de fées en français. La vieille lampe de rue. Dans une rue animée, dans un coin tranquille, je me suis tenue là comme une vieille lampe de rue. Je suis restée ici pendant des années à tout regarder passer. Les gens et le temps. Au fil du temps, j'ai vu tellement de choses. Tant de joie, de bonheur, de tristesse. Pourtant, je ne changerai absolument rien. Je me souviens de tout ça. Les enfants ont joué près de moi et ont lu des livres dans la chaleur de ma lumière. Des amis qui se rencontraient après des années et qui ne s'étaient jamais oubliés. Quand le cirque était en ville, les clowns klaxonnaient et les jongleurs défaillaient. Et puis, elle. Elle chantait pendant qu'elle dansait à la lueur de ma lumière. C'est comme si elle ne dansait que pour moi. Un jour, elle a amené quelqu'un avec elle et a dansé tandis qu'il jouait de la guitare. Ils se sont embrassés et ont dansé ensemble. Une nuit, sous la lumière, il lui a demandé de l'épouser. Elle a pleuré et a dit oui. Je ne l'ai pas revue danser aussi souvent après cette nuit. Ils disent que mon temps est venu. Le temps pour moi d'être remplacée. J'espère que ce n'est pas vrai. Je souhaite que ce ne soit pas vrai. Ah, j'ai bien peur que le temps soit venu de la remplacer, ma chérie. Il se tourne vers les lampes à gaz à présent. Nous pouvons sûrement faire quelque chose pour elle. Tout ce temps, elle était avec nous, tu le sais. Elle est presque famille maintenant. Que lui arrivera-t-il? Eh bien, je ne sais pas trop. Peut-être qu'ils vont l'envoyer à fondre, transformée en quelque chose de nouveau et brillant. Je ne veux pas qu'elle soit transformée en autre chose. Je veux qu'elle reste comme elle est, tu comprends? Changez-la en quelque chose d'autre et elle ne sera plus ce qu'elle était. N'y a-t-il pas quelque chose que nous puissions faire? Eh bien, laisse-moi voir ce que je peux faire. Peut-être que je peux les convaincre. Je ne te promets rien, tu sais, mais j'essaierai de faire de mon mieux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ils vont essayer, puis-je l'espérer. Il a dit qu'il va essayer de me garder. Ah, oh, qu'il soit béni. Cet homme et cette femme ont un cœur de la taille de la lune. J'ai peut-être encore une chance. Je dois le dire à mes amis. Ils sont vraiment très gentils, ces deux-là. Tu crois réellement que c'est le bon moment pour lui parler? J'en sais rien, moi. Je pensais que tu le saurais. Pourquoi crois-tu que je le saurais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Hé, qu'est-ce que tu penses de toi? Non, ne me cherche pas, toi, là. Je vais te montrer, moi. Surtout, n'essaie même pas, espèce de petit... Messieurs! Arrêtez ces combats, maintenant. J'ai de bonnes nouvelles. Je vais peut-être être sauvée. Ils vont essayer encore une fois. Il y a de l'espoir. Pouvez-vous le croire? Il y a encore une chance. Hourra! Hourra! Notre ami sera toujours avec nous. Notre ami ne s'en ira pas. Hourra! Hourra! Notre ami sera toujours avec nous. Notre ami ne s'en ira pas. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tout se passera très bien. Et attends une minute, c'est moi qui t'ai dit ça. Comment oses-tu dire que je te l'ai dit quand tu sais que je t'ai dit ce que je vous ai dit? Mon ami, tu es en train de mentir. Je t'ai dit, tu me l'as dit. Mes amis, arrêtez! Ce n'est pas le moment de se quereller. Vous devez vous arrêter. Oh, chut maintenant! La femme du conseiller arrive. « Ma vieille amie, combien en avons-nous vu? Tant de choses que tu as traversées, nuit et jour. Joie et tristesse, guerre et paix. Et pourtant, tu es restée là, debout. A toujours éclairé notre chemin, partageant la chaleur de votre ton avec nous. Comment pouvons-nous te laisser partir? Tu fais partie de notre cœur et de notre âme. Ma chère, j'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Je n'ai pas réussi à les convaincre de la laisser rester. Ils ont demandé à ce qu'elle soit enlevée demain matin. Ce soir, ce sera sa dernière nuit. Non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir un moyen. J'ai tout essayé, mon amour. Je suis désolé. Cela semble injuste. J'avais de l'espoir. Je n'en ai plus maintenant. Nous sommes désolés. Nous ne voulons pas te voir partir. Moi non plus. Il est enfin arrivé. C'est la fin pour moi, les amis. De quelle fin parlez-vous? Il n'y a pas de fin, ni de début non plus. Nous sommes éternels, ma chère amie, vous savez? Quoi? Qu'est-ce que... Attention, vous deux! Il n'y a rien à craindre, mon ami, car tu m'as moi et ces deux jokers. Hey, futé, drôle d'ami, qui sont aussi des jokers. C'est vrai. C'est vrai. Très bien, alors. Tu nous as, moi, et d'innombrables autres personnes dont tu as touché la vie, qui ont baigné dans ta lumière. Tu ne seras pas oublié pour eux. Tu vivras toujours, mon ami. C'est vrai. Mais les souvenirs, qu'en est-il des souvenirs? Tous enfermés pour ne jamais être oubliés. Je comprends. Et je te ferai un cadeau spécialement pour toi. Lorsque le conseiller éteindra ta lumière, pour la dernière fois, je viendrai souffler dans ton esprit. Oui. En supprimant chaque souvenir. Tu ne souffriras plus de la douleur ou de l'agonie. Est-ce que ce serait un beau cadeau de ma part? Dis-moi ce que tu en penses. Oui, vraiment. Ce serait un cadeau vraiment très généreux, ma chère amie. M'as-tu oublié, alors? Ta vieille amie, la Lune! Toi et moi faisons la même chose pour d'innombrables personnes dans le monde. Comme allumer leur chemin dans l'obscurité pour qu'ils sachent qu'il y a toujours quelqu'un qui les surveille. Jamais, mon ami, tu m'as montré quoi être. Je chéris tout ce que tu as fait. C'est bien, mais j'ai une surprise spéciale pour toi, ma chère amie. Mon cadeau est avec deux de tes autres amis. Le nuage et les étoiles. Hey, salut, mon ami. J'ai adoré te voir tous les jours, projetant ta lumière pour les autres. Mon cadeau aussi, c'est cette pluie, pour te faire sentir fraîche et pour laver toutes tes larmes. Merci, mon ami. C'est magnifique, vraiment. Merci beaucoup. Et ce n'est pas tout. Cet arc-en-ciel est aussi pour toi. Oh, comme j'aime voir ça dans le ciel. Oh, j'adore. Hey, ne m'oublie pas, mon vieil ami. Ça, c'est pour toi, afin que tu n'oublies jamais cette nuit. Qu'est-ce que c'est? J'ai hâte de le voir. Ici, là, pour toi. Tout ça, c'est pour toi, mon cher, mon très cher ami. Est-ce que tout cela fait de toi un petit copain affamé? Mes chers amis, je vous aime tous, vraiment. Merci pour tout ça. Tu Tu n'as pas à nous remercier, tu sais. Tu n'as pas à nous remercier. Tu n'as pas à nous remercier. Tu n'as pas à nous remercier. Nous t'aimons fort. Tu seras toujours dans nos cœurs. Quand je serai heureux, je scintillerai spécialement pour toi. Bonne nuit, mes amis. Bonne nuit. Le moment est venu. Je n'arrive toujours pas à y croire. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Nous éteignons sa flamme, mademoiselle. Elle va être remplacée. Ce soir, c'est sa dernière nuit. Quelle tristesse! J'ai tellement de souvenirs ici. Au revoir, mon vieil ami. Au revoir. Oh? Qu'est-ce que c'est? Quels sont ces bruits? Oh, mon Dieu! Ma belle amie! Tous mes amis! Oh, les petits! Tu ne pensais pas que je t'oublierais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ma vie aurait été sans toi, hein, dis-moi? Oh, merci! Merci à tous, vraiment!